Chapitre 116. Sans appel. La défense suisse a volé en éclats face aux assauts nord-américains. Killer Crush 23 n'a pas pu empêcher les Québécois de s'imposer face à la sélection helvétique. Très rapidement, les coéquipiers de Caribou 123 ont mené 3-0. Le quatrième but est arrivé à la demi-heure de jeu. Le handicap de 4 fut assez difficile à remonter pour la Suisse. La mi-temps fut sifflé avec un 5e but. Au fil du match, la défense a continué à se fissurer jusqu'à voler en éclats. Le score final est sans appel, 8-0. Jamais un écart n'avait été aussi large dans une rencontre aux enjeux si énormes. Les Suisses repartent, groggy, sans aucun espoir d'aller jouer le Mondial 2056. Ils s'inclinent face à beaucoup plus fort qu'eux. Le Québec est donc la 12e nation. La sélection qui entoure Caribou 123 s'est imposée sur le terrain, sans appel, et va pouvoir faire bonne figure aux côtés des Golden Teams tels que l'Inde, le Japon, la Chine ou encore la France. Pour rappel, les 7 autres qualifiés sont l'Allemagne, la Belgique, l'Argentine, les États-Unis, la Zambie, la Malaisie et l'Australie. Le plan d'action d'Araï Karas marche parfaitement. La qualification du Québec lui fera une belle vitrine afin d'apporter des fonds en Ingouchie et faire monter en puissance le football dans son pays d'origine. Le but est donc de créer une franchise à Magas, capitale ingouche, et former une bonne nation pour les prochains mondiaux. Un pari très ambitieux, mais les performances des Aras Boys font avancer ce programme. Si un jour, un jeune ingouche venait à quitter la franchise de Magas pour rejoindre une énorme franchise mondiale, Aras rêve même plus loin. Si la franchise ingouche venait à rejoindre une ligue mondiale. Avant tout cela, le Québec doit continuer sur sa lancée. Vu les autres qualifiés, tout peut arriver. La France l'a montré en 2050, sans moyens. Ici, avec des galactiques, les Québécois ont de bonnes cartes entre leurs mains. La qualification sera validée officiellement demain par la Yes Sports Fédération, après consultation des comptes québécois. Les fonds ingouches ne devraient poser aucun souci. Surtout qu'Aras devrait être présent lors de la commission avec une belle valise. Une formalité pour eux. Chapitre 117. Envol raté. Coup de tonnerre pour le Québec. Lors de la première consultation des fichiers prévisionnels comptables de la sélection, la Yes Sports Fédération a décidé de refuser le dossier québécois. Quelques trous sont à déplorer et l'absence de l'investisseur ingouche a déplu aux instances. Afin de rassurer la province francophone du Canada, Caribou 123 tient une conférence par Skype. Il indique qu'Araï Karas n'a pas pu se déplacer sur les deux packs à cause d'un vol raté à la dernière minute. Alors que le richissime ingouche achetait de la lecture numérique, il n'a pas vu les passagers embarqués. Mais tout cela sera réglé lors de la prochaine commission, puisque le Québec a fait appel. Temporairement, le Mondial 2056 ne compte que 11 qualifiés. C'est la première fois qu'une qualification est refusée financièrement. D'habitude, tout se passe très bien, mais le budget annoncé par le Québec est très haut par rapport au mouvement financier annoncé. Mais tout est déjà prêt pour l'appel qui aura lieu dans 2 jours. Cette fois, ce sera avec Aras qui est déjà sur les lieux. 2e passage devant la Yes Sports Fédération pour le Québec, et cette fois, Caribou 123 sera accompagné par son allié de choc, Araï Karas. Quelques heures avant la revue des comptes, l'ingouche est aperçu au restaurant avec les hauts placés de l'ISF. Mais autre surprise, l'appel est refusé et la qualification du Québec n'est toujours pas validée. Interrogé par les internautes, Caribou 123 évoque une erreur de macro XL sur le fichier présenté. Les résultats étaient incohérents par rapport aux chiffres exposés. Le joueur francophone annonce que tout sera réglé et qu'il allait plancher avec la Fédération québécoise de football pour présenter des chiffres corrects. Araï Karas n'a pas trop apprécié d'être venu pour rien. Sa présence a été gâchée par une erreur sur une vulgaire cellule d'un ridicule fichier informatique. Le Québec devient la risée du web suite à cette épreuve d'amateurisme. Il faudra encore attendre 3 pour présenter les bons chiffres à valider. Enfin, cette précieuse place parmi les grands. Aras ne veut pas participer au prochain appel, mais tout va bien se passer. Sa patience commence à atteindre ses limites. il se demande s'il a bien fait d'investir dans une nation qui n'est pas capable de présenter des chiffres sans erreur. L'agacement se ressent, mais le sauveur de la nation s'exprime très rarement. Des rumeurs se font entendre et elles indiquent que Caribou 123 pourrait être débarqué de ses fonctions de représentant. Une autre équipe dirigeante travaillerait en off. Chapitre 118, un autre détail. Deuxième appel pour les Québécois, et cette fois le fichier Excel était correct. Mais la eSports Fédération ne semble pas confiant quant à l'honnêteté de leur investisseur. La population québécoise s'inquiète, et Caribou 123 doit encore se justifier face aux fanatiques du Québec. Ici, il avance un dysfonctionnement logistique financier. Pour pouvoir prouver que le Québec tient la route financièrement, ils doivent prouver qu'ils ont en leur possession une certaine somme. Et celle-ci est assez coquette, 30 millions de dollars PF. Arras a sans souci cet argent. Mais il doit apporter la somme en cash, dans les 2 jours, lors de la prochaine commission. La dernière, car après cette réunion, nous saurons si le Québec sera ou non la 12e nation du Mondial 2056. Pour Caribou 123, il n'y a aucun doute. Araï Caras viendra avec cette belle valise valider une bonne fois pour toutes cette qualification. Mais les détracteurs du duo franco-ingouche sont de plus en plus nombreux. Certains émettent quelques réserves sur la droiture d'Arras. Le Mondial 2056 ne tient plus qu'à seulement 30 millions de dollars PF. Une valise, et tout sera réglé. Alors que l'appel se déroulera dans 24 heures, il se dit qu'Arras n'a toujours pas retiré cette somme. Caribou 123 veut rassurer tout le monde, car la transaction a pris un jour de retard à cause d'un jour férié en Ingouchie. Tout sera réglé dans la journée, et le Québec va pouvoir briller lors de la prochaine Coupe du Monde. Chapitre 119, verdict sans appel. Araï Caras va-t-il venir avec sa valise pleine de 30 millions de dollars PF? Il faut espérer que oui, car sans cela, le Québec ne pourra pas participer au prochain mondial. À quelques heures du début, aucune trace d'Arras. Grosse inquiétude pour le Québec entier. La séance aurait dû débuter depuis 15 minutes, mais Caribou 123 est prêt à prendre la parole. Il a quelques confidences à faire sur son associé. Alors qu'il commence par s'excuser, Arras arrive en vitesse. Il va pouvoir défendre le Québec et sa place pour le Mondial 2056. Si les Québécois venaient à ne pas participer à cette Coupe du Monde, quelle sera l'organisation de la eSports Fédération? Plusieurs possibilités. La Suisse, défaite en finale des barrages, prendrait la place des Caribous. Mais la ISF pense sérieusement à disputer son mondial avec seulement 11 nations. D'autres scénarios sont quelque peu farfelus. On parle d'une sélection suisse-québécoise avec les fonds des deux nations. Mais la dernière option vient du compte Twitter d'un dirigeant de la eSports Fédération. On pourrait tout simplement rejouer les barrages avec WEC, le Pakistan et la Suisse. Nous n'en sommes pas encore là, puisque Caribou 123 et Arras sont très confiants. Ce dernier a sa belle mallette des beaux jours. Devant l'exceptionnalité de la situation, une caméra a eu le droit de filmer le dernier passage et de diffuser tout cela sur la toile. Nous allons pouvoir voir le liquide ingouche briller de mille feux et Caribou 123 a jubilé. Le Québec est à quelques minutes de la validation de son ticket. Chapitre 120, plaidoyer pour un billet. Avant toute chose, Caribou 123 se lance dans un discours épique. Il fait l'éloge de la sélection québécoise. Pour le franco-canadien, la qualification ne fait aucun doute et sa sélection s'est qualifiée sur le terrain et ce qui prime dans cette belle compétition est le ballon rond. Même sans fond, le Québec devrait valider son passe. L'argent a pris trop de place dans le football et il demande de laisser la chance à une nation passionnée par le sport. Mais pourquoi Caribou 123 parle-t-il de manque de fonds? Arras est pourtant venu avec sa valise. Habituellement discret, car ne parlant que l'ingouche, Arras s'exprime dans un français impeccable. Sa réplique commence par « Je ne suis pas celui que vous croyez ». Devant la pression grandissante, les masques tombent. Le prétendu homme d'affaires ingouche n'a pas d'autre choix que d'avouer l'imposture. Araikara se nomme en réalité Kobi. Il n'est ni un gouche ni milliardaire. Il s'est énormément endetté pour jouer le rôle d'Arras. Les millions investis jusque-là n'étaient que fictifs. Les joueurs étaient payés par des fonds sans provision. Alors, quand la eSports Fédération a réclamé du cash, devenu rare, très rare, en 2056, la supercherie commençait à coincer. Caribou 123 reprend la parole et explique pourquoi Kobi et lui ont bluffé tout le monde. Quand toute la planète football a tourné grâce à l'argent, le Québec continuait à respirer football, en vain. Pour réussir, il fallait faire le buzz et faire venir du monde. Kobi a endossé le costume d'homme d'affaires. La falsification a pris une ampleur énorme et a dépassé les deux compères québécois. Le Québec s'est qualifié sportivement grâce à un coup de pouce, imaginaire certes, mais les buts marqués par les Caribous étaient bien réels. Les deux trompeurs demandent de l'indulgence à l'eSports Fédération. Seront-ils entendus ?